Le 26 janvier 1946, la musique des équipages de la flotte, impeccablement alignés devant le mât de pavillon du 5e dépôt, exécute pour la première fois la marche officielle du dépôt de Toulon, marin de Provence.